Vous êtes assez fou pour l'écouter. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Yes. On reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori et la chronique littéraire, mais en même temps plus cinématographique cette semaine de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 20 décembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Et on est en direct des studios de à Trois-Rivières. François-Olivier, bon matin. Bon matin, Mathieu Plante. Est-ce que tu bois vraiment du thé ce matin? Fuck le thé. Fuck le thé, ben non. C'est pas vrai. Non, en fait, j'en ai pas. J'en ai pas. T'as pas de thé pour l'instant? J'ai pas de thé. J'ai juste du chocolat chaud. Okay. En même temps, on dirait que ça fait mon affaire pour l'instant. Et je partirai l'année 2012 de mon pied. C'est ta résolution. En faisant du thé le matin. Ouais, parce que bon, pour ceux qui étaient par l'émission hier avec nous, les requins, on a eu en cadeau des thés de David T grâce à Xavier Ottoard. Mais pas des thés, des tasses. Des tasses, c'est ça? J'ai dit tasses, j'ai dit thé? Ouais, t'as dit des thés. C'est ta Des thés! Donc, des tasses de thé. Et on en profite. Moi, en tout cas, j'ai étudié la mienne hier. Je l'adore. Ah oui? Je fais des jaloux, hein, ma copine en une. Ah oui, pour lui? Ah, c'est sûr. Tu lui donnes ça pour elle? Peut-être pas pour. Peut-être. T'as quand même plus chouette, là? Ouais, ben c'est ça. Maintenant que c'est dit. Donc, aujourd'hui, à l'émission, François-Olivier, on va avoir la chronique de Stéphanie Gagné à 8h. C'est ton plat favori. C'est sa dernière chronique de l'année 2011, hein, comme la plupart de nos chroniqueurs l'ont fait tous. Ouais, exactement. C'est ils veulent venir en studio pendant les fêtes, c'est comme ils veulent. Hein? Gâtez-vous. Ouais, c'est ça, gâtez-vous. C'est ça, sa dernière chronique. On ne sait pas encore de quoi elle va nous parler, mais on sait qu'elle va nous jouer de la musique qu'on n'est pas habitué d'entendre, encore une fois, dans Assemblage requis, du vieux rock. Oh, OK. C'est rare qu'on joue ça. Ça arrive pas. Sinon, à 8h30, Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique littéraire. J'ai dit tantôt cinématographique. Pourquoi? Parce qu'elle nous parle du film qui a été inspiré du livre dont elle nous a parlé dans sa précédente chronique. Tu te rappelles le livre Le Parfum? Oui. Le livre de Patrick Susskind. Oui, où il y avait plein d'odeurs. Oui, c'est ça. Et le gars tuait des jeunes filles pour avoir leur parfum et pouvoir créer des parfums, etc. Donc ça, c'était Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Ben, il va nous parler du film qui est sorti en 2006, basé là-dessus. Ça, c'était à 8h30. Et sinon, avant ça, on va voir la chronique Geeks et Elix. Et aussi, François, tu vas nous présenter ton top de tes albums préférés de 2011. Oui, exactement. Top 3 avec beaucoup de mentions spéciales. Oh! Tu vas voir, en fait, mentions spéciales beaucoup. 10. 10? Non. Disque. Disque, oui. Non, mais 10, pas 10. 10 disques. Disque. Oui. Ça, c'est impossible. 10? Non. 10. OK, je comprends. Alors, on va commencer l'émission, par contre, avec une pièce du palmarès francophone. Hein? Pourquoi pas? Voici Le Grand Nord. Le Grand Nord? La pièce, c'est Feed Feu. Assemblage requis jusqu'à 9h au 89.fr. De croire que tu tiens encore debout à part la peur de sortir à part les nuits s'endormir

Salomé Leclerc et la pièce ne revient pas à Assemblage Rookie au 89 FM. C'est fou. Oui, c'est fou. C'est fou. C'est sur l'album Sous les arbres de Salomé Leclerc qu'on aime beaucoup. Est-ce qu'il va être dans tes mentions honorables? C'est une surprise. Attends, je ne le vois pas sur ma feuille. Non? Non, je ne le vois pas sur ma feuille. J'adore ça, par exemple. Oui. J'adore ça. Mais c'est comme trop récent. Trop récent? C'est comme trop récent. T'as pas encore eu le temps de t'habituer que ce soit dans les meilleurs? Non, mais j'adore cette pièce-là. J'adore mais c'est ça qui est dur avec les tops. Oh, ouais, on en parlait tantôt. T'sais, moi, si je veux me faire un top, il va falloir que je vois toute la liste de tout ce qui est sorti. Ouais. Ou encore, un album qui est récent sera jamais dans aucun top s'il sort en décembre parce que les gens préparent leur top de l'année en novembre. Quelque chose du genre, t'as aucune chance s'il sort en décembre. C'est plate pour les artistes qui sortent un album en décembre. Ouais. En même temps, souvent en décembre, c'est des cadeaux de Noël. Ouais, c'est ça. Mais ça serait le fun d'être sur une liste de. Meilleur CD de l'année, quand même. Ouais. Mais bon. Maintenant, c'est la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et aujourd'hui, François, on aime ça, c'est les quickies. Oh, les quickies de Bandit. Oui, ça va être rapide, ça va être rapide. Il y a 6909 langues en existence dans le monde, mais plus de la moitié de la population du monde en parle seulement 20. Okay. Donc, les autres sont ailleurs. Ailleurs. Que dans les 50%. Il y a 5,9 calories dans un timbre britannique. OK. Pas pire. Si tu veux faire un bon repas, là, paquet de timbres. Le mot moufette en anglais skunk, S-K-U-N-K, d'accord? Ça vient d'un mot algonquin, Segankou, qui veut dire celui qui squirt. Ok, ça va bien. Mm-hmm. Faites attention pour ceux qui veulent attaquer cet animal qu'on appelle, en fait, c'est dans la même famille que les moufettes, là, c'est l'Indonesian Stink Badgers qui squirt du liquide vert lorsqu'il est menacé, ce qui peut te rendre aveugle si ça arrive dans ton œil. C'est l'Indonesian Stink Badgers, j'ai essayé de trouver ça en français, en tout cas. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça reste le nom de l'animal. Lorsqu'elle est menacée, la spotted skunk, c'est comme une genre de moufette avec des pois, là, des petits pois, là, va faire une genre de pirouette et se mettre sur les pattes dans l'avant. Un handstand. Tu peux même chercher sur YouTube spotted skunk handstand si tu veux voir la vidéo de la petite moufette en train de se mettre sur les pattes dans l'avant. OK. C'est quelque chose, hein, lorsqu'elle est menacée. Lâchons les moufettes un peu. Merci. Ouais, c'est ça. En 1992, le grand renversement de Friendly Floaties. Il y a eu un déversement de 28 800 canards de plastique, castors de plastique, tortues de plastique et grenouilles de plastique dans l'océan Pacifique. Pas mal mieux que de l'huile, ça, non? Vas-y. Je sais pas. En tout cas, il me semble à mon idée, à mon avis. Peut-être que c'est super toxique aussi, le plastique des petites affaires de plastique. Mais je penserais pas. Donc, c'est en 92, le Friendly Floaties Spillage. Pour empêcher le vol des petits-enfants, du petit bébé Jésus dans la crèche... François. Ouais. La compagnie Brick House Security a un programme qui s'appelle Saving Jesus qui offre un GPS gratuit pour la vedette de votre scène de la nativité sous votre arbre. Un petit GPS dans le de l'enfant Jésus. Pas pire, ça? Pour être sûr que ça se fasse pas voler, c'est génial. Je vais faire un test. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Je suis peut-être un petit peu en retard pour les gens qui visitent Facebook régulièrement. Tu sais comment tout le monde est au courant de tout sur Facebook. Là, va sur google.com. OK, je suis là. T'es là déjà? Tape « Let it snow ». Pas point .ca. Point non, com. Juste le Let It Snow, tout court. Pas point .com, là. Va sur Google pour taper ça. Non, mais c'est ça, google.com, pas point .com. .com. Okay. Ben, je sais pas si ça marche sur point .ca. OK. Dis-moi si ça fonctionne sur le tien. Moi, ça a fonctionné sur le mien hier. Let It Snow. Oh, c'est beau, hein. Ah, mais il y en a plein de trucs comme ça. Il y en a un qui tourne. Oui, exactement. Je me rappelle pas c'est quoi. Ouais, je me rappelle pas c'est quoi, ouais. Ou qui affiche Google en revers, quelque chose genre. Ouais, c'est super. Donc, Let It Snow, ça fait évidemment qu'il neige dans votre furteur. Et en plus, c'est qu'il y a de la givre, de la buée et des affaires comme ça qui se forment sur ton écran. Donc, à un moment donné, tu peux plus rien lire. Puis là, t'as un bouton à la place du bouton recherché en haut, t'as un bouton defrost. Et tu peux defroster ton furteur. C'est dégelé, décongelé. Wow. C'est beau, hein. C'est une belle innovation de la part de Google. Le premier épisode des Simpsons, Simpsons Roasting on an Open Fire, a été diffusé il y a 22 ans, en date du 17 décembre. 22 ans récemment. Quand même. Déjà. Hein? Déjà. Tu connais la compagnie Lexus pour les voitures, là? Ouais. Ils ont une campagne publicitaire, je sais pas si t'as déjà vu, avec un gros chou sur des camions et des voitures, tu sais. Genre, il offre tout le temps un cadeau, une Lexus à sa copine ou à sa... Non. Et non. Il y a des gigantesques choux sur ces voitures-là. Et ben ils prennent ça d'une compagnie. Ça s'appelle King Size Bose. Et ça coûte plusieurs centaines de dollars par chou. Y a des choux moins élaborés qui coûtent 49 $ environ. Étrange, incroyable. Le 16 décembre 1977, 1997, pardon, 685 enfants au Japon ont été amenés à l'hôpital en toute vitesse après un épisode intense de Pokémon qui a causé des maux de cœur, des vomissements, des attaques d'épilepsie. Tu te rappelles, donc c'était en 97, le 16 décembre. Joyeux anniversaire, les nouveaux épileptiques qui se sont fait déclencher leur épilepsie par Pokémon. C'est le fun. Ça avait fait une controverse, ça. Oui, exactement. Oh, exactement. Ouais. Savais-tu qu'il y a un seul McDonald's dans le monde qui a ses arches, là, les arches M, là, ouais. Comment t'appelles ça? Qui sont turquoises à la place d'être jaunes. C'était à Sedona, en Arizona, qui croyait, dans le fond, la ville croyait que le jaune allait mal avec les rochers naturellement rouges. Genre, ils ont comme des roches rouges là-bas et ils trouvaient que les arches jaunes ne fitaient pas. En fait, moi, je trouve que ça fit plus que du bleu turquoise. Là. Ouais. Mais bon, j'ai pas vu les photos. Est-ce qu'on a des photos de ça? Sur assemblagerequis.com, évidemment. Oui, évidemment. Ben oui, tout à fait. Ben oui. Voyons là. C'est sûr que je n'ai pas oublié ça. Hey. Non, mais on voit les... je sais pas. Moi, je trouve... Moi, là. Juste moi. Toi, là. Je trouve ça vraiment affreux. Ouais. Vraiment ouais. Laid. C'est pas bon. C'est, à mon œil, là, je trouve ça vraiment laid. La petite clôture en avant, bleu, turquoise, le petit M, turquoise. Comment dire, l'édifice en tant que tel est comme un genre de saumon. Non. Pour n'importe quel autre restaurant que McDonald's, ça n'a même pas fité. Donc, imaginez avec McDonald's, avec les couleurs qu'on est habitué de voir avec eux. Alors, c'est juste une question de goût, hein. Bon, c'en a raison, non, c'est bon. Devine le livre, François, qui a inspiré le plus de paroles de chansons pop. Le livre qui a inspiré le plus de paroles de chansons pop. Le livre. Un seul livre. Le plus grand livre de tous les temps. Plus gros livre, sûrement aussi. Plus gros livre. Je sais pas. La Bible. Ah. La King James Bible qui a inspiré plus de paroles pop. J'en ai pensé. C'est ça. C'est quelque chose. Mais on pense pas à ça, nous. Non, là. Vraiment pas. C'est comme pas le premier réflexe quand on parle de livre. Là. Surtout pas le matin. Peut-être dans section fiction. L'air respiré par une seule personne dans toute sa vie, si la personne vit pendant 80 ans. Donc, toute l'air respiré par une seule personne en 80 ans pèse plus qu'un Boeing 747. Oh ouais. Ah ouais. Incroyable. C'est pas surprenant. Voilà. Ben, je vous l'avais dit que c'est la chronique Quickie aujourd'hui. C'est fini! Fini! C'est fini! Merci, Mathieu! En fait, ça dure la durée qu'une chronique normale devrait durer, si c'était pas du fait que je suis vraiment lent. On va retourner en musique. On va entendre du Cœur de Pirate. Cœur de Pie. Une petite pièce. Adieu? Non? Adieu, oui. Ouais, non, si tu me dis la pièce, c'est ça, je vais mettre celle-là. Non, mais je sais pas. Oui, c'est... adieu. OK. Ouais. Personnellement, moi, t'en es d'entendre adieu. Mais j'aime quand même, mais elle joue beaucoup partout. C'est dans mon top 3. Ah ouais? Non. Tu ris si mal, tu ris de vide. Des taches de vin sur ta chemise. Qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées. Maman le manque la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes. Le menace t'es parti. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Le menace de partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur, car tu sais que plus rien. Mais dis-moi, adieu demain. Mais dis-moi. Cœur de pirate. Et avec la pièce à deux. Hey, hein. Et qu'on est con. C'est, on a-tu le synchronisme dans le fun? On a du plaisir à 7h21 ce matin. François-Olivier Marchand. Mathieu Plante. Oui, maintenant, on va faire ton petit top 3 de l'année 2011. Je suis fin et prêt. T'es fin et t'es prêt. Donc, t'es fin et prêt. Ouais. Non, c'est pas vrai. En fait, je suis... Si je suis pas prêt, puis je suis pas fin. Non, mais j'ai de la misère à faire ça. C'est dur, hein? C'est parce que je le fais pas à date. Là. Puis, tu sais, il faut que tu reviennes... Non, c'est ouais, c'est ça exactement. Donc là, parce que c'est bien beau un top de 2011 si tu parles juste d'affaires de septembre, octobre, novembre. Là, mais... Non, c'est ça c'est exactement. Ça. Et là, vois-tu, on dirait que tu viens de me faire douter sur un de mes choix. Ça date peut-être de 2010. Parce que même si on l'a découvert, nous, en 2011, mais en même temps, ça peut être ça ton top. Non, celui-là, je suis sûr. OK. Est-ce qu'on peut se donner le critère que c'est quelque chose que tu as découvert en 2011, mais en même temps, là, ça pourrait être Jumping Floyd. Ouais, voilà, ça pourrait. Écoute, je vois, OK, je me lance. Lance-toi. Je donne pas vraiment de position, OK? C'est juste en général les choses que tu aimes. Ouais. En fait, Against Me, le dernier d'Against Me qui se retrouve en fait, ben, qui s'intitule Total Clarity, qui est sorti en 2011. Et puis, en fait, mais c'est pas vraiment un album. Comme ils reprennent les chansons d'un ancien album, mais une nouvelle version. Mais c'est sorti sur un CD. Oui. Donc, c'est un album. Physique. Oui. Non, mais c'est pas un nouvel album comme réinventé de toute pièce. Donc, en fait, Against Me avec l'album Total Clarity. Après ça, l'avantage de l'Alberta rural, tu sais, Mathieu, j'adore ça. C'est j'adore sa voix. Je trouve ça particulier quand même. Et on sait que les thèmes, c'est 5,7 calories britanniques. Ouais, c'est ça exactement. Donc, c'est pas trop gras, tu sais. Non, pas trop. Parce que là, ils ont une pièce qui s'appelle Stamps. C'est une blague. Ouais. C'est pas drôle. Ouais, je l'avais même pas compris. Ben, je sais. Ben, je faisais semblant de rire. Ouais, ben, c'est normal. C'est correct. L'album s'appelle Departing. D'ailleurs, je pense qu'on va aller écouter une pièce qui s'intitule, rappelle-moi le titre. Under the Knife. Ouais, et vous allez voir, en fait, c'est très bon. C'est très bon. Et l'album au complet est très bon. OK. Est-ce que tu as envie qu'on écoute la pièce tout de suite ou on revient avec ton top? Ah, on peut l'écouter dessus. Ah. On peut voir. Ben, okay. Oui. C'est un beau bloc featuring François-Olivier Foam Parley. François-Olivier Marchand, le Foam Parley. Tavern. Burst Slack, comme on dit. C'était Assemblage Rocky au 89.5. We'll be right back. davantage de l'Alberta rurale. Avec la pièce Sous le couteau. Sous le couteau. C'est donc Rural Alberta Advantage. Oh, merci pour la traduction. Ouais, j'aime ça, j'aime ça. J'aime prononcer surtout le nom du groupe, donc félicitations pour le choix. Rural Alberta Advantage. Donc voilà, en fait, ça fait partie de mes coups de cœur 2011. Oui. 2011, évidemment, écoute, je te parle d'un album qui est sorti en 2010, mais qui me plaît, qui me plaît encore excessivement. Groupe montréalais, est-ce que tu peux deviner? Je te regarde comme ça. Tu me regardes à côté du micro, ouais, comme à ça. À côté, mais ça n'a pas rapport à côté. OK, ça n'a pas rapport avec à côté, mais ben là, tu viens de deviner. Est-ce que ça a rapport avec, mettons, je sais pas, un arbre? Non. Est-ce que ce serait un arbre généalogique? Mumford and Sons, mais... Ah, non, ben un peu plus tard, ça. OK, plus tard. Ah, ben là, fallait me le dire. Ouais, ouais. Okay. Mais, non, mais juste avant, je voulais te parler de Final Flash. Final Flash! Ouais, qui va être en spectacle mercredi. Ça me fait extrêmement suer parce que je pourrais pas aller les voir. Comment ça, non? Je commence ma saison d'hockeyeur sur bottine. Les sports, oui, non, les sports, ça se tasse, les sports. Ah, oh, ouais, mais en même temps, je pense que j'en ai besoin. Ça va me faire du bien de bouger un peu. Mm-hmm. Donc, avec l'album Homeless, l'album est incroyable. Toutes les pièces sont bonnes. Ça vaut vraiment la peine, en fait. Là. C'est pour les personnes qui connaissent pas ça. Là. Final Flash, je sais que je t'ai écœuré avec ça là, tellement c'est longtemps. C'est correct, t'as arrêté d'en jouer après ça. Et puis ça fait longtemps, donc là, ça me manque, on dirait. T'sais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Mettons. Eh boy. Eh boy. Okay. D'ici la fin de la semaine, on se lance une pièce. Ah, promettons des choses qu'on fera pas. Parfait. Ben oui, on va faire jouer. On dit souvent les affaires qu'on fera. Oh ouais, celle-là, on va le faire. Ok, parfait. On va le faire. Et puis, évidemment, en fait, tu l'as dit plus tôt, Mumford & Sons avec l'album Sight No More. Et la pièce, une pièce que je raffole. Oui. Ouais. Oui, si on peut le dire. Oui, j'adore cette pièce-là. Je sais que toi, t'aimes plus The Cave. Oui, c'est vrai. La pièce de The Cave. Mm-hmm. En fait, j'aimais bien The Cave, mais quand j'ai écouté cette pièce-là, ça m'a comme ça a comme détruit de Cave. En fait, la pièce s'appelle Little Lion Man. Et puis, c'est merveilleux. Petite mention spéciale aussi côté francophone cette année, Peter. Une très belle surprise. C'est vrai. Très agréable à écouter. Salomé Leclerc qu'on a entendu un peu plus tôt. Sinon, écoute, il y en a plein. Astra aussi que j'aime bien. C'est bon ça? Ouais, c'est très bon. En fait... Le palmarès, il faut le dire. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais il y a 40 pièces là-dedans, c'est supposé s'adresser à tous les animateurs de ces films. Donc, c'est nous, ça. On aime une bonne grosse majorité de ça, je pense. Non, c'est ça, exactement. C'est ce qu'on fait jouer surtout à Assemblage Recul. Ouais, donc, si vous aimez la musique de l'émission, c'est du palmarès, savourez-le, procurez-vous tout ce qu'il y a là-dedans et ne faites pas manquer votre coup de main souvent. Là. Non, vraiment pas. Et évidemment, en fait, là, j'ai bien aimé aussi, ça faisait partie d'un des choix de Simon Fitzbay, Bon Hiver. Bon Hiver. Bon Hiver, c'est très bon. Et Feist aussi. Oui. Caroline, que de mention. Donc, on va écouter tout de suite une pièce, comme tu dis, de Mumford & Sons, Little Lion Man, à Assemblage Rocky, au 89.1. Incessamment. Oh. Incessamment. You were at the start. Raid yourself and rape yourself. Take all the courage you have left. Wasted on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my... Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before. Tremble, little lion man, you'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face, your boldness stands alone among the wreck. Learn from your mother or I'll was your heart on the line. I really fucked it up this time. Deny my dear. Deny my dear. Oh, wow! Hein? Hein? Mumford & Sons, c'est la pièce Little Lion Man. J'avais mieux sans choriste. En choriste? Sans choriste. Sans choriste. Ah, oh, que t'es déplaisé. C'est correct, vas-y. Non, mais très bonne chanson et classique instantané dès la première écoute, hein, je pense. Ouais. Tout le monde le sait, tout le monde l'a dans la tête après l'avoir entendu une seule fois. C'est normal, c'est comme ça. C'est ça, c'est Mumford & Sons. C'est Mumford & Sons. Ouais. C'est toujours dans le palmarès sans numéro des albums préférés de Force Olivier Marchand en 2011. Mm-hmm. Ben, tu sais, j'en ai plein d'autres. Là, ben, en fait, j'ai bien aimé le dernier aussi de des Frères Goyette. Ouais. Comment décider, hein? Comment décider? Je suis pas capable. On va aller écouter une dernière pièce. Tu l'as mentionné tantôt, Peter. Oui. Mention francophone. Francophone. Oui. Le gars, c'est bon ce qu'il fait. Ouais. Et j'avais vu passer, je pense que c'est sur Internet, je sais pas quoi exactement. Je pense qu'il a été, lui et sa pièce Homo, c'est pas la pièce qu'on va entendre, là, mais était numéro un francophone de iTunes. Ah, pas vrai. Me semble. Bravo. Bravo. Bravo. Ça veut dire que... pas pris. Oui, mais je croyais pas que les gens achetaient tant de musique que ça sur iTunes au Québec. Mais tant mieux de voir que... Mais c'est peut-être pour ça, c'est con à dire, c'est plate ce que je vais dire, mais ouais. C'est peut-être pour ça qu'il est premier, parce que dans le sens que si les gens, ça serait, si la masse achèterait sur iTunes, ça serait peut-être plus Céline Dion ou Sylvain Cassette. Tout à fait raison, et j'apprécie beaucoup le fait que, dans le fond, c'est exactement ce que je voulais dire, mais je voulais te le laisser dire. Ah, bon. C'était à peu près ça que ça voulait dire. Ouais. Ouais. Bon, ben, je l'ai dit. Mais c'est plate un peu, je trouve. Pour la musique francophone. Pas que Peter ait gagné, mais non, que non. C'est ça. Que c'est... Il n'y a pas tant de monde que ça qui achète là-dessus. À date. Mais tu sais, on est en retard surtout. À date, hein, ça, hey, c'est leur problème. Non, ouais. Mais tu sais, dans le sens, le monde achète leur musique où ce qu'ils veulent. Moi, ou se la procure comme ils veulent, Ouais, mais tu sais, moi, à la limite, c'est plate à dire, mais j'ai pas. Ça me fâche pas, là. Non, mais tu sais, faut encourager ça, je trouve, quand même. En tout cas, ben, pas nécessairement ça ou les CD, tu sais. Ouais, non, ok, j'avoue. Ça mène à rien. Donc, Peter, avec Rien ne nous rassemble. On écoute ça, puis après ça, il y a la chronique Cynix qui s'en vient. C'est là. Yeah. social qui jamais ne téléphone. Rassemble un Ruki pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. L'émission construite à partir de matériaux de qualité, Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. Avec François-Louis Marchand et Mathieu Plante, cet Assemblage requis est maintenant dans cette émission matinale. En pièce détachée. Oui, oui, oui, oui. C'est ça, c'est ça. C'est... Oui, c'est un slogan, mettons. On va parler de technologie. Okay? Oh, OK. C'est la chronique Cynix. C'est la chronique de la fierté geek en ce mardi 20 décembre et on récapitule les nouvelles des 24 dernières heures, donc depuis hier matin, lundi. Commençons par Facebook, hein, source d'information là, pour tout le monde, surtout pour les 18-34 ans. C'est le réseau social Facebook donc, qui est la principale source de nouvelles de 9% des adultes européens âgés de 18 à 34 ans, selon une étude de Lightspeed Research réalisée en octobre. Celle-ci met en relief la croissante importance de Facebook lorsqu'il est question de l'information. 15% de tous les adultes interrogés affirment qu'ils vont s'informer sur Facebook au moins une fois par semaine. Cette statistique passe à 30% quand il s'agit des 18-34 ans. La télévision reste la première source de nouvelles au moins une fois par semaine chez les jeunes adultes de 18-34 ans, dans une proportion de 69%. Les sites Internet de nouvelles arrivent au second rang avec 52% et la radio avec 43%. C'est quand même pas si pire de... Comme... Ouais, ouais. Surprenant pour la radio. L'étude démontre que les sources de nouvelles varient selon le moment de la journée, alors que la télévision domine le matin. La radio est la principale source pour l'aller-retour au travail. En soirée, la télévision redevient numéro 1 et Facebook y est presque à égalité avec la radio, 10% versus 11%. Les 18-34 ans tournent de plus en plus le dos aux médias traditionnels lorsqu'il s'agit des nouvelles. Seulement 38% d'entre eux affirment que la télévision est leur principale source de nouvelles, alors que les sites Internet comptent pour 29%. De plus, 16% des 18-34 ans disent ne pas regarder la télévision du tout. Ça, c'est surprenant quand même. 16%, c'est beaucoup de gens, hein? Ouais, vas-y. C'est presque 16 personnes par 100, tu sais. Ouais. Presque. Presque. Oui, exactement. La recherche montre également comment les différents médias sont utilisés pour se compléter les uns les autres. Ainsi, 74% des personnes vont sur Internet pour en savoir plus sur un sujet d'une nouvelle qu'ils ont entendue à la télé ou à la radio. C'est ça l'affaire. T'écoutes la radio, tu peux plus juste écouter la radio, ça. T'écoutes la radio, faut que tu sois sur ton ordinateur en même temps. Faut aller à ton iPhone pour aller sur Facebook pour aller voir les liens que la personne vient de poster, tu sais. C'est ça l'affaire, là. Tu peux plus juste écouter la radio. Alors que les médias traditionnels comme la télé, la radio et les journaux continuent de dominer la façon dont nous consommons les nouvelles, l'augmentation du nombre de façons dont nous pouvons accéder aux nouvelles internationales a profondément changé l'endroit où nous allons pour obtenir les nouvelles à différents moments de la journée, c'est ce qu'a déclaré le directeur marketing de Lightspeed Research en Europe. L'étude a été réalisée en ligne en octobre 2011, comptant plus de 1000 répondants. On s'entend que l'Europe et le Québec, c'est pas mal la même chose côté Internet, je pense. Ouais. Pas mal. Parlons de Google un petit peu maintenant. Google qui commercialise ses Doodles. Tu sais quoi les Doodles? Ouais. C'est les petits dessins là, quand t'as une fête précise sur Google, tu sais. Quand le logo va changer. Tu sais, c'est Pâques, ça va être des petits œufs de Pâques à place des hauts, c'est des affaires là même. Tu sais, les un Doodles. Doodle? Quand tu vas sur google.com, mettons, c'est la un Doodle, c'est pas l'affaire avec le calendrier que tu marques que t'es dispo. Non, c'est Google Calendar ou Agenda en français. T'es sûr? Oui, François, je suis sûr. Je suis 100% sûr. Google a mis à jour son site Doodle, offrant aux internautes l'occasion d'acheter des articles décorés selon les thèmes commémoratifs des Doodles qui ont marqué l'histoire du moteur de recherche Internet. Tu sais, mettons à l'Halloween, ça va être une citrouille, des trucs comme ça. Avec cette mise à jour, Google permet aux internautes de partager facilement leurs Doodles préférés sur les réseaux sociaux tels que Google+. Depuis notre premier Doodle en 98, les Doodles nous permettent de partager avec vous les choses que nous aimons et qui nous passionnent. Ces dernières années, nous nous sommes mis à créer des Doodles avec lesquels vous pouvez jouer. Hein. Le premier Doodle interactif permettait d'accéder à un diaporama sur les confiseries d'Halloween en 2009. Et nous avons invité depuis les internautes à insérer une pièce dans une borne d'arcade virtuelle pour jouer à des classiques. Tu sais, il y avait Pac-Man à un moment donné là, là-dedans. Ouais, ouais. Eh hey, mais Doodle aussi, c'est un calendrier. Là. De attends un peu, je vais te le dire. Là, je l'avais... Organisez vos réunions, Doodles, pour... Ah, ouais, ouais, la niaiserie de comité. À propos de la planification de rendez-vous. Ouais, c'est ça, ben, tout à fait. C'est le même nom. Pour que le monde puisse synchroniser leurs dates, pour être sûr d'avoir... Ouais. Ça, c'est pour les gens qui sont bien occupés. Donc, la nouvelle version du site réunit plus de 1000 doodles avec, dans certains cas, des vidéos des coulisses de leur création et des liens vers les doodles interactifs. Si vous aimez tellement un doodle que vous seriez prêt à le faire imprimer sur un chandail, une tasse, un autocollant, une planche de skate ou une carte, allez voir Doodle à la demande. L'adresse est zazzle.fr/googledoodles. Qui a noué un partenariat avec le service d'impression Zazzle. Le lien est sur assemblagerequis.com. Bien évidemment, on ne vous demandera pas de prendre votre carnet, votre calepin en auto alors que vous écoutez la radio dans les 40-quelques pourcents de gens qui écoutent la radio encore aujourd'hui. Dans les 18-34 ans. C'est à peu près ça, je pense. Ouais. Parlons de RIM, ceux qui font le BlackBerry, là, ils se sont fait quand même voler un camion rempli de Playbook. Tu sais, la tablette. Ouais. Donc, c'est un vol qui va faire... Ça coûte cher. Exact. C'est un vol qui va faire mal à Research in Motion. Le journal Herald Tribune rapporte en effet que la police enquête en ce moment sur le vol d'une semi-remorque. À l'intérieur de celui-ci se trouvait pas moins de 22 palettes de tablettes Playbook. Des palettes, ça, c'est des boîtes. Là. Je me dis qu'il y a des boîtes. Ouais, des palettes, c'est une palette. Il y en a des tonnes là-dedans. Ouais. Hein? Le vol a lieu sur une aire de repos de l'État de l'Indiana. D'après la déposition donnée par le chauffeur, celui-ci aurait fait une halte pour casser la croûte et prendre une douche et se serait aperçu du vol une heure plus tard. Bien sûr, un engin comme un camion ne passe pas inaperçu, mais le véhicule n'a toujours pas été retrouvé depuis jeudi, le 15, le jour du vol. L'ordinateur, les cartes de crédit, même les vêtements du chauffeur ont aussi été volés. Le cœur du problème reste bien évidemment les 22 palettes de Playbook. La valeur totale de l'ensemble dépasse les 1,7 million de dollars américains. Millions! Et le FBI enquête également. L'agent Neil Freeman a indiqué avoir contacté l'Interstate Theft Task Force pour la coordination des recherches et a ajouté que ce type de vol finit souvent dans la région de Miami. Donc, une mauvaise nouvelle pour RIM qui accumule ces derniers temps des mauvaises nouvelles. Ah, puis, mais il faut que tu les écoules, là. Tu sais, c'est pas évident, là. Non. Quand t'en as des palettes, là. C'est ça. Il faut que tu les annonces. Et voilà. Apple, parlant de tablettes, oui, on continue sur le sujet des tablettes. Apple qui lancerait un iPad de 7,85 pouces en 2012. Donc, selon les toutes dernières rumeurs, il y aura bien un iPad mini ou encore un iPod Touch Super Size, hein, dépendant de quel bord tu penches. Est-ce que c'est un gros iPod Touch ou un petit iPad? En plus d'un iPad 3. Donc, comme on l'évoquait récemment dans les rumeurs, la firme voudrait se trouver une nouvelle niche, hein, comme si on manque vraiment de niche. Il faut vraiment se creuser des nouveaux marchés. D'après les sources, quelque part en amont de la production, Apple lancerait un iPad de 7,85 pouces dans le courant du dernier trimestre de 2012, juste avant les fêtes de fin d'année et de la fin du monde, hein, comme les Aztèques l'ont prédit. Pour rester compétitif avec le Kindle Fire d'Amazon et les téléphones intelligents de grande taille, la firme de Cupertino n'aurait quasiment d'autre choix que de se lancer dans ce secteur des tablettes plus petites. La production de ce iPad mini commencerait lors du deuxième trimestre de 2012. LG Display lui fournirait les écrans, mais l'entreprise à la pomme s'approvisionnerait également chez AU Optronics. Donc, rappelons que l'iPad qui doit succéder à la deuxième génération est prévu pour la fin du premier trimestre ou au tout début du deuxième. Ça, c'est pour l'iPad 3, on dit février, mars, avril environ. C'est ça. Ce serait l'iPod 3 en début d'année, peut-être un iPhone 5 à la fin de l'été et un iPad mini à la fin de 2012, hein? Les gens qui veulent flasher vont avoir bien de l'argent à dépenser. Boy. Non, sans blague. Ça vaut la peine de se mettre à jour une fois de temps en temps, mais pas à chaque modèle. Non. Surtout pas à chaque modèle. Pas vérifié. Non. La société XTR 3D vient de mettre au point une application permettant de piloter les téléphones intelligents et des tablettes tournant sous Android grâce au même principe que la Kinect de Microsoft. Cette application permet de contrôler via des gestes un bon nombre d'applications. XTR 3D a pour objectif de la développer pour au moins 4 marchés, celui du téléphone intelligent, de la tablette, du PC, mais également celui de la télé. Le principe pourrait même être adapté sur n'importe quel appareil électronique, comme l'a déclaré le porte-parole Roy Ramati. Le gadget utilise d'ordinaire caméras 2D, comme celle de la webcam d'un ordinateur ou celle de votre téléphone intelligent, pour extraire de la 3D sur une image 2D. Ça a l'air compliqué, mais Qualcomm, qui a récemment acheté la canadienne Gesture Tech, travaillerait aussi sur la reconnaissance des gestes utilisant en même temps caméra et ultrasons. L'avantage de capteurs à ultrasons est qu'une caméra est incapable de fonctionner correctement placée à une distance d'environ 50 cm, c'est trop près. Donc si pour une télévision c'était parfait, c'est pas le cas lorsqu'on parle de téléphone intelligent ou de tablette. Cette technique ne demande pas beaucoup de puissance et peut suivre la main de 1 à 15 cm de distance du téléphone. Les possibilités sont presque infinies, nous dit l'article de branchez-vous.com. Ainsi donc, on nous dit que diriez-vous de répondre à un appel entrant sans avoir à toucher l'écran alors que vous êtes en train de cuisiner, de manger ou de conduire? Oh, pas fou quand même comme idée. Pas fou. Sinon, tournez les pages de votre journal électronique ou de votre livre électronique. Tu sais, t'es assis, t'as ton café dans une main, une brioche ou une pâtisserie ou comme dirait Tim Hortons, un produit de pâtisserie, hein? Pas des pâtisseries, un produit de pâtisserie. Donc là, tu pourrais changer ton journal. Tu sais, juste en pognant ton bain, puis en faisant un fouing avec ton bain. Fouing! Ça change de page. Wow. Voilà, donc vous pourrez aussi changer de chanson, n'importe quoi. Faire pause, c'est génial, j'aime bien l'idée. Parlons de jeux vidéo rapidement, il ne se passe pas grand chose, le côté console et choses intéressantes, autres que les sorties de jeux. Ah, d'ailleurs, on n'a pas fait les sorties de jeux. Les premières ventes de la PlayStation Vita, c'est Famitsu qui nous livre les premiers chiffres de vente de la PS Vita, qui est la nouvelle PSP, la nouvelle console portable de Sony. Des chiffres qui portent sur les deux premiers jours de commercialisation de la nouvelle portable de Sony au Japon. La petite bête s'en sort assez bien avec un score de 321 407 exemplaires écoulés en deux jours, ce qui est une assez bonne partie des 500 000 consoles que Sony a livrées aux revendeurs. Un stock qui aurait d'ailleurs été renforcé par 200 000 machines supplémentaires. Donc, de bonnes ventes, pas très très loin des 371 000 3DS qui se sont vendus. Et c'est surtout bien supérieur au score de la PSP sur son week-end de lancement avec 166 000 unités à l'époque. Bonne nouvelle. Et parlant de la Vita, elle est aux prises avec les bricoleurs, les hackers déjà. Hein, quand une machine sort, les bidouilleurs ne tardent jamais à mettre les mains dans la pâte pour voir ce qu'ils peuvent en faire, dit jeuxvideo.com. Disponible depuis le 17 décembre, donc avant-hier. La Vita a été dévoilée, a déjà dévoilé une petite brèche qui a permis à de gentils hackers de lui faire son premier Hello World. C'est le texte, la petite phrase traditionnelle là, quand les hackers commencent, qui va prouver qu'on a pu faire tourner du code non autorisé sur le système. Donc les choses peuvent en rester là, ou alors la communauté pourrait bien parvenir à faire tourner des applications tierces, sans parler du piratage de d'autres jeux, de d'autres consoles, et peut-être même des jeux de PS Vita en tant que tel. Donc, on rappelle que cette première incursion aurait été rendue possible par une faille détectée dans l'émulateur PSP de la console, donc l'émulateur qui permet de faire jouer des jeux de PSP sur la PS Vita. Intéressant. Parlons de la Wii maintenant. OK. La Wii U qui va être, ou serait en tout cas, c'est une rumeur jusqu'à maintenant, qui va être au CES, le Consumer Electronics Show, au mois de janvier. Selon CNET, Nintendo sera présente lors du prochain Consumer Electronics Show à Las Vegas afin de présenter la Wii U, la nouvelle console de salon de la Wii de Nintendo. Ce sera donc la première fois depuis l'E3 que la console sera jouable, à tout le moins derrière des portes fermées. Ce serait intéressant de voir si la Wii U a subi des changements depuis son dévoilement initial. Rappelons que la rumeur veut aussi que la nouvelle console de Nintendo, de Microsoft, soit discutée pendant le CES 2012 qui aura lieu du 10 au 13 janvier. Donc, on pourrait avoir la Wii U et la nouvelle console de Microsoft. Wii U qui a déjà été dévoilée, on sait déjà de quoi elle a l'air et les jeux qu'il va y avoir dessus. Et celle de Microsoft, on ne sait pas encore son nom, on ne sait absolument rien. Donc, ça va être au CES du 10 au 13 janvier. Ça s'en vient très, très bientôt. Voilà, donc, est-ce qu'on peut parler des nouveautés en magasin cette semaine? Est-ce qu'il y en a assez? On va aller voir ça. On va être quand même calme, là. Ça doit, parce que là, les fêtes sont beaucoup trop proches, là. Beaucoup trop proches. Je pense qu'il n'y en a pas. Non? Non, parce que personne n'en parle. En tout cas, c'est pas grave. Allons écouter du chiptune à la place. Hein. Je sais que ça va te faire plaisir encore plus de parler des nouveautés. Capote. Oui, c'est l'artiste Polar Birds qui est en position. Est-ce qu'il a changé depuis hier? Je suis vraiment prêt dans mes affaires. Ça change à tous les jours, ça? Ah, le palmarès change tout le temps, mais le numéro 1 restait pareil. Donc le numéro 1, c'est l'artiste Polar Birds. On s'en va entendre la pièce Manta Ray et ça se passe maintenant dans l'assemblage requis sur C'est fou à 89.1 FM, si je peux, maintenant. La voilà. Ah, je la lance, celle-là, c'est une de mes préférées. Ah, est-ce que tu l'aimes, celle-là? Oh. Non. Ah, c'est une maudite bonne. Mentory de Polar Bears. Je sais pas, j'adore cette pièce-là. C'est une de mes préférées jusqu'à maintenant. C'est le numéro 1 du palmarès sur Elbit Collective. C'est 8bc.org, une communauté où les gens peuvent poster leur musique chiptune et voter sur leurs préférés. Donc, allez voir surtout le top 3 si vous voulez vous initier au monde du chiptune. Commencez par là, c'est une bonne place. Voilà pour la chronique CNX. Il y en a une tous les jours sauf le mercredi, donc lundi, mardi, jeudi. Il y en aura une donc jeudi prochain. Et puis, elles seront compilées en une seule et même émission. C'est les jeudis matins à 10h dans CNX.zip. Voilà. Nous, ben, c'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt. Qu'est-ce qu'on a tantôt? Tantôt, on a Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Vrai. Vrai. Après ça, on reçoit Marie-Pierre Lafonge-Bourré avec sa chronique cinématographique. Ouais, presque, hein, presque. C'est ça. Elle nous parle d'un film basé sur un livre. Ça va être la première fois qu'elle va faire ça. Oui, et ça m'intrigue. Ouais, moi aussi. J'ai hâte de connaître les différences, parce qu'il y a tout le temps beaucoup de différences entre un livre et un film. Mais pour l'instant, on prend une petite pause café avec du sirop d'érable dedans. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Non, non, pas tout de suite, pas maintenant, non. Ah, Colin, c'est Steph, beau. Steph, appelle-nous. Ah, Colin, c'est pas maintenant, c'est pas grave. Moi, ouais. C'est ça, c'est Assemblage Requis, là. Deuxième heure d'Assemblage Requis, ce mardi 20 décembre 2011. Comme si de rien n'était, moi c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, et l'émission est présentée par le service aux étudiants de l'UQTR. Exactement. Oui. Re-bienvenue à vous. Merci. Oui, et bienvenue à Stéphanie Tanto. Ben oui, Steph qui s'en vient. Oui. Avec sa chronique Ton plat favori. Tu vas nous parler de... Ça va être bon, ben je sais pas, j'ai seulement les extraits musicaux. Ah, okay, okay. Je sais qu'on va entendre un groupe rock rétro un peu. Rétro? Et, ben rétro, genre pas récent, là, mettons. OK. Mettons. Et puis quelque chose de récent, mais que t'aimes, que t'as déjà fait jouer ici. Ah ouais? Donc ça pourrait être bien pour toi, cette chronique-là, je pense. Oh, OK. Oui, c'est intriguant, mais je peux pas te dire c'est quoi, sinon je veux pas gâcher ces surprises, moi, Steph, hein. À part faire jouer sa chronique beaucoup trop tôt, tu sais, mettons. Ça gâche les surprises. Donc, on va entendre Bravo Funkin à l'instant. Voici une pièce qu'on écoute plus tellement souvent. C'est Boîte à savon sur leur maxi cœur Rubik au 89 FM. C'est fou. Enfant d'un hiver dans le garage, il y aura des fleurs dans chaque virage. Défions la mort sur la banquette de ma boîte à savon. Serre-moi très très fort quand nous franchirons l'amour du son. Dans un vernis vermeil, joyau d'un bandit en cavale, mes pieds nus glissent sur tes sandales. Appuie sur la pédale. Et surtout ne néglige pas de bien gaufrer ta crinière pour faire une voie dans le corps où le vent viendrait par derrière. Nos yeux seront les lumières. Bravo Funken et Boîte à savon, une pièce qu'on jouait énormément, beaucoup trop souvent il y a quelques mois de ça, mais que maintenant on joue plus du tout, donc on peut recommencer à la jouer, là, je pense. Faut de temps en temps. Tu sais, on a comme fait une surdose, là, puis après ça on s'est calmé, puis après ça, rehab. Rehab. Rehab. parlant pas de rehab, parce que c'est pas Amy Winehouse, je pense, son sujet cette semaine, Stéphanie Gagné, contrairement. Ah non? La semaine passée. Non, donc on l'accueille, c'est ton plat favori. Bon matin, Stéphanie. Bon matin. Ça va? Oui, vous autres. François fait un drôle de sourire, là, je sais pas. Salut! Salut, Steph. Pourquoi il fait un drôle de sourire? Ah non, mais je sais pas. En fait, un sourire d'épée. Peut-être parce que c'est la dernière fois qu'on se parle en 2011? Oh! Ouais, mais ça a l'air un peu méchant. On dirait qu'il est comme content, là, congé de toi pendant mais un non, mois. Mais non. Ah, c'est pas grave. Bon, moi, en tout cas, je m'ennuie pas de grave. Toi. Ouais, c'est ça. On va s'ennuyer de tous nos chroniqueurs, évidemment, mais t'en fais partie, Stéphanie, et c'est vrai qu'on va s'ennuyer de toi parce qu'on n'aura pas de chronique ton plat favori pendant les fêtes. Par contre, je te l'annonce, si c'est pas déjà fait, il y aura, ben, je crois que je l'ai déjà dit, en fait, l'émission Girl Power dans nos guides de l'utilisateur. Ça va être mardi la semaine prochaine, l'émission avec toi, Jasmine, Justine, Myriam, Marie-Pierre et toutes nos chroniqueuses féminines d'Assemblage Requis en une seule émission. Ça va être beau, hein? Cool. Ouais. Ça va être très bon. Oui, donc de quoi tu nous parles dans ta chronique aujourd'hui, Stéphanie? La première chose dont je vais parler, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu probablement, parce que c'est quand même, ça se promène beaucoup sur Facebook, c'est la web-série française Bref. Est-ce que vous l'avez vu? J'ai vu quelques épisodes, c'est très bon ça. Oui, c'est vraiment drôle. Oui. C'est juste une mini-web-série, dans le fond, ça ne dure même pas 2 minutes par épisode. Ça a commencé, ça fait quand même un petit bout de temps, c'était au mois de septembre, mais on voit que avec le décalage entre la France et ici, ça a pris un petit bout de temps avant d'arriver ici puis d'être populaire, mais ça commence à se promener pas mal sur sur Internet. Dans le fond, ça raconte la vie d'un gars ben ordinaire qui procrastine, qui essaie de cruiser, qui passe une entrevue, etc., qui joue de la guitare, blablabla. Puis c'est super rapide, c'est scène après scène, c'est super drôle. T'as pas le temps de respirer. T'as même pas le temps de cligner des yeux, je pense. Sinon, t'en manques un bout pour vrai. Ça se passe, là, c'est tac, tac, tac, tac. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'est super rapide, mais moi, j'aime beaucoup comment c'est fait. J'aime tout, justement, que ce soit rapide. Ça fait vraiment changement de d'autres web-séries. Qui tournent autour du pot. Ouais. Exact. Celui-là, là, c'est droit au but à chaque fois. Ouais. Alors, c'est ça, c'est un de mes coups de cœur de cette semaine. Et aussi, côté vidéo, j'ai vu un court-métrage la semaine passée. C'est un court-métrage à propos d'une Belge qui vient rendre visite à une amie à Montréal. Puis, elle attend à l'aéroport, son amie n'arrive pas. Fait qu'il faut qu'elle se trouve un motel dans un pays et dans une ville qu'elle connaît pas. Il pleut, il fait froid, elle capote un petit peu. Fait que ça gâche un peu son voyage. C'est un peu un cauchemar pour elle qui connaît pas du tout la ville. Ça dure un peu moins de 15 minutes. C'est vraiment un excellent court-métrage d'Éric Piccoli à voir. Ça s'appelle « Sortir du bois » et c'est inspiré de la chanson « Sortir du bois » de Vincent Vallière. Je vais pas vous donner le punch de l'histoire, là, mais l'histoire continue après qu'elle sort de l'aéroport et qu'elle est seule, dans le fond. Mais c'est à voir. On peut trouver ça sur YouTube. Superbe. Fantastique. Oui. Ça s'appelle « Sortir du bois ». Sortir du bois. Parfait. La web-série, c'était Bref. Oui, exactement. C'est et là, vu que mes deux coups de cœur n'avaient pas de lien avec une chanson, j'ai décidé de me rajouter un autre coup de cœur. Bah, c'est des fêtes, garde-toi. Oui, c'est ça. Mais c'est très bref, parce que j'ai vu ça hier soir. donc j'ai pas vraiment eu le temps d'organiser grand chose. Mais hier soir, j'ai vu le film Café de Flore de Jean-Marc Vallée. Un film que j'ai vraiment, vraiment aimé. Et on voit vraiment les ressemblances avec le film Crazy. Il y a, par exemple, dans les ressemblances, il y a beaucoup, on voit beaucoup de musique, entre autres Pink Floyd. Et j'ai vraiment accroché sur la chanson Breathe in the Air, qui joue dans les deux films, dans Crazy et dans Café de Flore, que j'ai vraiment aimé. Donc, tu vas nous la faire entendre. Oui, exactement. Puis l'autre chanson que j'ai choisie, c'est une chanson de Noël, parce que bon, on est quand même à 5 jours de Noël. Oui, ça s'en vient. Oui, ça s'en vient. Dans pas long, je suis à Trois-Rivières. Youpi! C'est quand tu décès, là? J'arrive le 22 au soir. OK. OK. Oui. Fait que la chanson de Noël que j'ai choisie, c'est The Killers avec la chanson Boots. Une pièce donc originale de Noël, pas une reprise dont on est allé entendre depuis le début de la création. Exactement, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Je voulais pas une chanson que tout le monde connaissait déjà, mais en passant, j'ai fait une recherche cette semaine sur Internet. Quand on écrit « Indie Christmas » sur Google, on trouve une tonne de chansons de groupes underground qui font des chansons de Noël souvent originales. Ah, et, je vous suggère ben gros de faire ça. Comme ça va vous donner des idées de chansons de Noël pas plates à faire jouer. Donc, tu nous dis de chercher le terme Indie Christmas sur Google. Oui, Indie Christmas. Il y a des chansons de Sufjan Stevens, de Dandy Warhols, de Fleet Foxes, Frightened Rabbit, plein de bons groupes. C'est noté. Je laisse tous les liens sur assemblagerequis.com. Donc, si les gens veulent aller retrouver ça, c'est facile de le faire. Merci, Steph. Joyeuses fêtes. Ben, joyeuses fêtes à vous aussi. Ouais. Merci. Et on se retrouve en janvier, évidemment, hein, c'est ça? Oui. J'espère. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis sinon, ben c'est ça, amuse-toi, puis profite de ton congé. J'imagine que t'as un congé d'école. Oui, mais je suis déjà en congé depuis mardi passé. Wow! Ah, y en a des chanceux, hein? Ouais, la vie est belle. Ouais. Ouais, mais je suis pas vraiment en congé, je travaille quand même à mes deux jobs. Ah. Bon. En tout cas, rabat-joie, hein? Rabat-joie de nous parler de ça. Nous autres, on était peut-être contents pour toi. Puis là, c'est comme, ben, finalement, on n'est pas contents. Ah, mais je suis très content. J'ai quand même fini l'école, là. Ouais, c'est ça. OK, donc on va entendre les Killers tout à l'heure. On commence avec Pink Floyd. Et puis après ça, après tes plats favoris, ce sera les Crucifix de François-Olivier, peut-être? On sait pas encore. OK, t'en as? OK. Whoa. Et mon dessert délicieux. Donc, joyeuses fêtes encore une fois, Stéphanie, en janvier. On se retrouve. Joyeuses fêtes. Merci. Bye. Bye-bye. afraid to care. Don't leave me. Look around. Choose your own ground. How you live, how you fly. Smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run. Run, dig that hole, get the sun. When at last work is done, rounds it down, it's time to dig another one. How you live and how you fly. Ride the tide, balanced on the biggest wave, race towards another grave. Cinnamon candle. The Killers et la pièce Boots à Assemblage Requis dans le bloc. Ton plat favori de Stéphanie Gagné. Elle nous présentait ça avec bonheur, comme toujours, pour sa dernière chronique de 2011. Hein. Je trouve que ça fait pas très Noël. Ben, il y a les petites clochettes, là. Ting, ting, ting, ting, ting. C'était cher. Un petit peu. Puis ça parle de Noël beaucoup, tu sais. Ouais. Mais toi, c'est parce que. C'est ça, là. Tu dis ça fait pas Noël parce que pour toi, pour faire Noël, faut que ça change le petit Renault nez rouge. Ou bien, vive le banc. Mais ça, tu. Faire Noël. Qu'est-ce qui fait Noël dans une chanson? Le fait que tu la connais depuis toujours. Ouais, non? peut-être. Tu sais? Peut-être. Mais celle-là, c'est une nouvelle. Si tu l'entendais, tu l'écoutais beaucoup, et que tu écoutais seulement de la musique indie de Noël, ça deviendrait pour toi des chansons de Noël. Puis tu dirais aux autres, ben, Colin, ça sent Noël, écoute ça. C'est Noël. Ça, c'est Noël. Mais les petites cloches, pour moi, viennent rajouter un petit quelque chose. Ah. Donc, pour accompagner le plat favori de Stéphanie Gagné, les crudités de François-Olivier. Oui, en fait, très, très simple. Aujourd'hui, j'ai posté une vidéo sur la page Facebook de Assemblage Requis. Okay. C'est en fait le top, ben. Le top des fails de 2011. En ah! Fait. Moi, ça me fait très rire, ça, des gens qui tombent, des gens qui se pètent la face. C'est un bon public, François, toi. Ouais. Ça me fait rire. Donc, en fait, je vous partage ça ce matin. Parfait. C'est sur la page, évidemment, Facebook, et c'est aussi sur assemblagerequis.com dans la chronique, ton plat favori de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je continue avec mon dessin. Il n'y a même pas d'exemple, c'est juste des gens qui tombent. Tu dis pas, il n'y a pas de spectaculaire extrait là-dedans. Ouais, t'as des accidents d'auto, t'as un paquet d'affaires. Là. Bon. Moi, c'est un peu la même chose, très, très simple, vraiment. Et je vais vous poster tant qu'à faire, moi aussi, le lien sur la page Facebook. Hein, c'est là que tout le monde va, étant donné que c'est là que la vie, c'est Facebook, et Facebook, c'est la vie, comme on dit. Hein. C'est les meilleurs fonds d'écran de 2011 selon National Geographic. Tu sais, des fois, tu cherches un fond d'écran pour remplacer la photo de la pitoune sur l'ordinateur du co-animateur, mettons. Ouais. Moi, je voudrais jamais la remplacer parce qu'elle est super cute. Mais non, donc sur nationalgeographic.com, le lien est sur la page Facebook, vous pouvez voir des animaux, de la forêt, des montagnes. C'est des photos vraiment impressionnantes, de super bonne qualité. Ça fait de beaux fonds d'écran. C'est tout. C'est tout. Fun, hein? Pas mal. C'est plate un peu, mais ça paraît. Bon, ouais. Des fois, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Bon, ouais. C'est ça. Voilà pour le plat favori. D'habitude, on passe 20 minutes avec nos à côté, puis là, ça a passé 20 secondes, je pense. Hey. Voilà, ça passait vite. Nice. Donc voilà, on va retourner en musique, nous, entendre un petit peu The Feist, The Bad in Each Other. Et après ça, on va avoir Marie-Pierre Laforge-Bourret avec sa chronique cinématographique, on dirait littéraire d'habitude, mais aujourd'hui, elle nous parle d'un film basé sur un livre pour faire suite à sa plus récente chronique d'il y a deux semaines. Donc pour l'instant, Feist sur l'album Metal. Voici The Bad in Each Other sur C'est Fou, 89.fr. Thank you. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis jusqu'à 9h. Toujours Assemblage requis au 89 FM avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Et Mathieu Plante? On attend Marie-Pierre Laforge-Bourret pour sa chronique. Avec impatience? Oui, ben. Non, mais là, pas de pression. On va-tu pas se pointer? Pas fin, non? Fin de session. Tu vas faire un accident, là. Hey, non. On écoute Lovely Feathers et Le Wiza. Un de nos nombreux classiques ici à Assemblage requis. Ding ding, relatif à C'est fou. C'est un classique. C'est bien de m'enseigner. Une petite note. Ben, c'est si doux. Hein? Tu oui. trouves pas ça doux, cette pièce? Oui, comme un chaton. Comme, oh. oh. Oh. Oh. We'll be right back. The Choke de Ostra, assemblage requis. On aime ça. Oui, hein? Oui. C'est bon de Ostra, tu sais? Mm-hmm. Vraiment? C'est sur la palmarès, fait. Faut les faire jouer. C'est ça? Hey, non, faut les faire jouer, ça fait comme si on était obligé. Non, mais faut les faire jouer si on veut que ça monte ou ça baisse. Là, ah, bon point. On fait jouer ce qu'on aime pour que ça monte, ce qu'on aime pas, on le fait pas jouer. Ça, pour que ça baisse. Ben oui, c'est accessoirement. Maintenant, ben, quelque chose qu'on voudrait jamais voir baisser, hein, parce que ça ne monte que dans notre estime. Moi, je sais pas. J'essaie de faire des liens, mais ça marche pas. C'est la chronique littéraire de Marie-Pierre. Je vais faire semblant que j'ai rien entendu. Les clochettes, c'est mieux comme ça. Non, ce que ton commentaire d'avant les clochettes. Mais c'était un compliment, hein. C'est tout le monde dans notre estime parce que t'es donc un matériau de qualité. Parce que tu sais, c'est le slogan de l'émission, c'est une émission construite à partir de matériaux de qualité. T'étais pas une planche. Je suis pas un objet. Non, t'es pas un objet. Non, t'es une personne avec des émotions. Des émotions. Oui. On aime ça. Et une personne qui aime les sens, dont l'odorat. Parce qu'on parle si de parfum. Tu le dis? Si tu... Mais pas de parfum, là. Non, on parle du film Le Parfum. Oui, le film Le Parfum qui est... Bon, je veux préciser avant tout que la semaine passée, j'ai parlé d'un certain livre qui s'appelait Le Parfum, histoire d'un meurtrier, et qui a été écrit dans les années 80 par Patrick Soskind à la toute fin des années 80. Et il y a un film qui a été fait, une adaptation du livre qui a été réalisé en 2006 par un certain réalisateur qui est Tom Tekwer et le réalisateur qui avait aussi fait Cours Lola Cours. Donc, j'ai pas vu ce film-là, mais je sais que certaines personnes connaissent très bien le film. Et avant tout, je pense, avant d'entrer dans le livre, parce que je propose une petite analyse. Tu sais, on va creuser, on va gratter le film à certains endroits pour essayer d'en savoir plus, là, de sentir ça. François voulait du scratch and sniff dans le livre la semaine passée. Là, mais en même temps, je le comprends parce que Le Parfum, c'est un livre qui parle beaucoup, beaucoup du sens de l'odorat. Bon, pour faire un court résumé très rapide, c'est l'histoire d'un jeune garçon, bon, au 18e siècle à Paris, avant tout. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Jean-Baptiste Grenouille, qui est né dans un marché à poissons, qui est laissé pour mort par sa mère. Il se retrouve ensuite dans un orphelinat. Il est vendu à une tannerie, il est vendu à un parfumeur. Il se fait trimballer un peu de tous les côtés. Et à un certain moment, il décide qu'il veut apprendre à maîtriser le métier de parfumier afin de créer le plus gros parfum, le plus grand parfum jamais conçu qui serait formé de l'odeur de jeune fille en fleurs. Donc, oui. Non, Mathieu. Mais c'est ça. Mais c'est ça l'histoire. Et le personnage, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un odorat surdéveloppé. Donc, il sent des milles à la ronde. Mais est-ce qu'il y a un gros nez? Est-ce que c'est un Cyrano de Bergerac? Genre, non. Ils mettent pas l'accent. Okay. Il avait le plus gros nez, le meilleur nez de Paris. Là. Il avait le meilleur nez de Paris de tous les temps. Ses poils étaient longs comme des... Aucune description de nez, si ça peut te rassurer. Merci. Et bon, c'est ça. Donc, le meilleur odorat que la Terre ait jamais porté. Et, bon, comme je l'ai dit tantôt, il devient un meurtrier afin de récolter l'odeur des jeunes filles. Et c'est en gros l'histoire du livre. Puis à un moment donné, il s'enferme aussi là, pour plus rien sentir. Oui, à un certain moment donné, dans une partie du livre, quand même une longue partie du livre, il s'isole dans une grotte loin de toute odeur, un endroit où aucun humain n'a mis le pied parce qu'il y a l'odorat assez puissant pour savoir... Pour détecter ça. Oui, pour détecter. Et pas seulement pour détecter ça, mais pour détecter s'il était ici... Il fermerait les yeux et il saurait que c'est toi qui es là, François-Olivier, et que c'est toi, Mathieu, qui est là, et que moi aussi, je suis là. Mais il trouverait nos odeurs tellement apaisantes. Ah, tu le sais pas. Lui, il a décortique, là. Ouais, il décortique dans ses moindres nuances. Il pourrait sentir ce que tu as mangé ce matin. Donc, c'est à ce point-là, son odorat. Ouais. Donc, il était là. Il n'était pas là, mais il saurait. Ton Nutella. Ton Nutella. Ton Nutella. Oui, d'accord. Et donc, comme je l'ai dit, c'est l'odorat qui est au centre du livre. Et pour ce qui est du film, de l'adaptation filmique, avant tout, je vais préciser que Patrick Soskind ne voulait pas que son livre soit porté à l'écran. Ah, tant que ça. Oui, premièrement, il ne voulait pas. Il y a plusieurs réalisateurs qui lui avaient proposé. Comprends. Oui, je le comprends aussi parce que... C'est souvent gâché, les films. Oui, tout à fait. Oui, ça arrive souvent. Et la particularité du livre, qui est l'odorat, qui est déjà difficile à... représenter en mots, comment le montrer en film. Mm. Donc, il ne voulait pas que son œuvre soit dénaturée. Et en 2006, il a finalement accepté que son œuvre soit portée à l'écran. Mais il y a eu à l'accepter. Des fois, la maison d'édition, quand tu signes un contrat avec eux, peuvent eux-mêmes décider que bon, le film, il l'accepte, puis l'auteur n'a absolument rien à voir avec la décision. Non, je ne crois pas que quelqu'un peut faire ça, parce que c'est quand même les droits de l'auteur. Okay. La maison ne peut pas dire... Il pourrait modifier le script assez pour que ce soit une autre chose, mettons. Non, genre. Parce que probablement, il se ferait poursuivre. Ah, d'accord. Donc, il faut absolument que l'auteur soit... D'autant plus qu'ils t'ont approché avec, tu sais, c'est mal vu un peu, ouais. Mm-hmm. Ouais. Ça serait pas très gentil. Non. Et donc, le film, c'est à peu près la même histoire que le livre, excepté que l'accent est beaucoup, beaucoup mis sur l'histoire du tueur. Et aussi sur... dans le livre, à un certain moment donné, il décide que pour magnifier son parfum, il doit tuer une certaine jeune fille rousse. Et cette jeune fille-là, rousse, il en parle très peu. C'est quoi ce face-là? Une face de gars qui est intrigué soudainement. Bon, Mathieu est intrigué par les jeunes filles rousses. Ouais. Et c'est dit. Donc, dans le livre, on en parle très peu. Donc, c'est à la toute fin, on le frôle. Alors que dans le film, c'est assez au centre. Ils mettent l'accent beaucoup, beaucoup sur l'histoire de la jeune fille et de son père qui la protège. Donc, c'est une des seules différences. Et le film a été un peu critiqué. Comme quoi, il collait trop à l'histoire du film. À l'histoire du livre. Mais comment tu peux reprocher à un film d'être trop collé à l'histoire du livre? C'est ça le but, non? Non! Encore drôle! Hein? Parce qu'il y a trois types d'adaptations. Ouais. Il y a les adaptations dites strictes, donc qui respectent assez bien Au pied de la lettre. Bravo! Oui. À la page. Oui. À la page, au pied de la lettre, ça respecte le livre. Il y a des adaptations qui sont... Bon, pas plus ou moins, mais sont plus moins... Romantiques, non? Oui, sont plus romancés, mais ils collent quand même à la trame. Donc, c'est un peu moins que l'adaptation stricte. Et les adaptations dites d'après, donc c'est le terme utilisé, qui sont plus une inspiration. Ouais. Oui, c'est plutôt une inspiration qu'une adaptation. Okay. Tu te bases sur le livre, certains éléments du livre, mettons le nom des personnages, les grandes lignes de chacun. Ou l'ambiance, ou ça peut être l'emprunt d'un personnage, donc ça peut être très varié. Mm. Et le film Le Parfum, réalisé en 2006, il peut être qualifié d'une adaptation stricte parce qu'il rend vraiment compte du livre, pratiquement collé à la trame narrative. Mais moi, ce que j'ai voulu voir en comparant les deux, c'est pas nécessairement si le film respectait le livre. Parce que dans une adaptation, c'est nécessaire qu'il y ait... En fait, c'est impossible de rendre totalement compte d'un livre. Non, c'est sûr. Sinon, le film durait 14 heures. C'est ça. Et puis, ça durait 14 heures. Il faut absolument que le réalisateur effectue des coupures, fasse des choix esthétiques. Mais au moins, dans ce que tu gardes, fais-le le plus fidèlement possible, d'après moi, non? Ça, c'est d'après toi, mais ça diffère. C'est pas nécessaire. Puis en même temps, ça peut pas être une adaptation absolument fidèle parce qu'il y a un changement de médium. Ouais. On passe du livre qui est composé de mots au film qui a son propre langage à lui, les images, la luminosité, le montage, les couleurs, etc. Donc, c'est très, très varié. Et en changeant de médium, ça peut pas être une adaptation stricte. Mmh. Donc, souvent, c'est pour ça que les films sont critiqués. « Ah non, moi, je suis allée le voir, puis non, je l'aime pas le film. Et c'est pas comme le livre. » Mais en même temps, est-ce que c'est absolument obligatoire de faire la même chose? Ça dépend des avis. Ah, c'est selon subjectif. Les goûts. Ben c'est oui, super c'est subjectif. Donc, le film tiré du livre est assez ressemblant. Oui. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de voir comment les odeurs sont représentées dans les deux livres. OK. Le film versus le livre. Oui. Merci. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Qu'est-ce que tu dis? Là, tu n'écoutes pas? J'écoutais Marie-Pierre dire qu'elle avait une crampe de cerveau et il m'imaginait en train de prendre une slush. Mais. Oh, j'ai le cerveau. Ouais, une slush bleue. Puis. Oui, j'ai essayé de voir comment les odeurs étaient représentées à la fois dans le livre et dans le film. Et, une représentation qui est une manière de rendre présent à l'esprit quelque chose qui est absent. Mm-hmm. Donc, de rendre présent à l'esprit du lecteur, de rendre présent à l'esprit du spectateur une odeur qui est pas présente dans la salle de cinéma, on se le cachera pas. Sûr. Et il y a des odeurs présentes dans la salle de cinéma et donc de les oublier. Oui, avant d'essayer d'imaginer les autres odeurs. Et en lisant le livre, j'ai constaté qu'il y avait deux types d'odeurs. Il y avait la puanteur, donc une odeur désagréable, et il y avait le parfum qui est une odeur plutôt enivrante et agréable. Mm-hmm. Et j'ai essayé de voir comment c'était vu dans les deux médiums. Dans le livre, la puanteur était plutôt... pour la représenter, l'auteur utilise beaucoup des énumérations. Donc, la semaine passée, je vous avais lu un long extrait d'Écrivain Paris. Oui. Et c'était une longue énumération de tout ce qui s'y trouvait. Donc, des adjectifs peu ragoûtants collés à des mots qui ne sont en soi pas. Donc, du lait, c'est pas dégoûtant en soi. Mais quand tu rajoutes aigre à côté, c'est moins charmant. Ouais, ça donne moins le goût d'en boire. Du pain, du bon pain moisi. Donc, c'est une énumération d'éléments très dégoûtants les uns à la suite des autres. Et ça crée un effet parce que, c'est comme je l'ai dit, c'est difficile de représenter une odeur. Et c'est par ce procédé-là, donc l'énumération et l'exagération, c'est tellement amplifié que ça devient en quelque sorte un trop-plein. Et c'est ça qui crée chez le lecteur l'impression de sentir l'odeur. Et dans le film, c'est très différent parce que, bon, je vais vous parler du tout début du film. À un certain moment, le narrateur... Dès que le film commence, il dit, à Paris... Attendez, je vais vous le dire directement. Je vais rendre justice au film. Oh, boy. C'est le fait que la musique d'attente serve très bien. Comme, votre appel est important pour nous. Restez-y, oui. Au tout début du film, le narrateur dit, « À l'époque dont nous parlons, régnait dans les villes une puanteur à peine concevable pour l'homme moderne. Naturellement, cette puanteur était plus présente à Paris qu'ailleurs, car Paris était alors la plus grande ville d'Europe. Et cette puanteur était nulle part plus répugnante qu'au marché aux poissons. C'est ici, en ce lieu le plus putride de tout le royaume, que naquit Jean-Baptiste Grenouille, le 17 juillet 1738. » Donc, dans ce petit extrait-là qui ouvre le film, il y a plusieurs fois la répétition du mot puanteur et du mot putride. Donc, on se dit... ça doit puer. Tu sais, le narrateur le dit, ça pue. Et c'est accompagné d'images qui viennent en fait confirmer ça. Donc, tu vois des gens, les cheveux sales, les vêtements tout bruns, tout beige. Il y a des trucs qui traînent à terre, c'est boiteux. Il y a une genre de vapeur qui flotte au-dessus de la ville. Donc, tu dis, les gens sont super sales, ça doit puer. Tu sais. Mais ça, c'est accentué au moment où Jean-Baptiste naît. Donc, sa mère est au marché aux poissons, elle essaye de vendre des poissons. Et à la couche, en dessous de la table. Oh. Et elle laisse Jean-Baptiste pour mort. Et quand Jean-Baptiste se met à respirer, on voit, c'est un montage en alternance, donc des plans sur Jean-Baptiste, le petit bébé qui renifle, et des plans sur la ville, ce qui se passe au marché. Et ce montage-là permet de faire sentir aux spectateurs les odeurs parce que tu vois un plan sur le petit visage de Jean-Baptiste tout blanc, tout lumineux et suit une séquence d'images que tu ne veux pas voir. Donc, c'est des rats qui se promènent, un boucher qui coupe une tête, le poisson qui se fait éventrer. Tu sais, comme tous des trucs dans même que tu veux absolument pas voir. Ouais. Mais qui, en même temps, par le rythme donné à l'enflade d'images, c'est très agressif. Ça peut peut-être te donner mal au cœur quand tu regardes un extrait pendant 30 secondes. Non, t'as pas mal au cœur, mais tu fais un visage de dégoût. Ouais, confirme, je l'ai fait. Là. Et c'est par ce moyen-là que le réalisateur arrive à nous faire sentir les odeurs présentes à Paris. Pour ce qui est plus particulièrement du parfum, dans le livre, l'auteur va beaucoup utiliser la mémoire des autres sens. Donc, pour décrire un certain parfum, il va utiliser le sens de la vue, il va utiliser le sens de l'ouïe. Donc, faire allusion aux autres sens. Puis, surtout, essayer de créer... il passe beaucoup par les images, par le paysage. Parce qu'il est conscient, l'auteur est conscient que c'est difficile de faire ça. Il le dit lui-même à un certain moment. Quand au tout début du livre, il y a une femme... qui avait pris en charge Jean-Baptiste alors que sa mère était décédée. Et elle n'en veut plus. Elle veut le ramener au curé qui l'a mis en charge. Et elle lui dit, j'en veux plus de Jean-Baptiste. Il sent pas ce que c'est un bébé. Donc, il n'y a pas d'odeur. Et là, le curé dit, ça sent quoi, un nourrisson? Et la dame n'est pas capable de lui expliquer. Elle dit, je m'en souviens, j'ai l'odeur dans le nez en ce moment, mais je suis pas capable de l'expliquer. Oui. Donc, c'est la difficulté des mots. Le langage est trop pauvre pour arriver à décrire une odeur. Donc, c'est pour ça que l'écrivain va passer par les autres sens. Et dans le film, c'est quelque peu différent. Je vais vous décrire la première fois que Jean-Baptiste sent une odeur agréable d'une jeune fille. Donc, il se promène dans Paris, il est en train de découvrir Paris et à un moment donné, il respire et sent une odeur qu'il n'a jamais sentie auparavant. Et cette odeur-là, c'est l'odeur d'une jeune fille rousse, Mathieu. Une jeune fille rousse! Et il décide de la suivre dans la ville. Et on découvre l'odeur, on découvre le type d'odeur que la jeune fille peut dégager par les gros plans qui sont faits sur son corps. Il y a également... La jeune fille est très, très lumineuse. Il y a beaucoup de lumière sur elle. Elle est très propre, très, très propre comparativement à tout ce qui l'entoure. Et donc, même il y a des effets de ralenti, gros plan. Elle est très nette, le fond est très flou. Et c'est par là qu'il réussit à nous faire ressentir l'odeur que cette jeune fille-là peut dégager. Et c'est très réussi. Donc, vous regarderez le film. Ouais. C'est pas très loin au début du film. Et portez attention à cette scène-là particulièrement. Vous allez voir, c'est à la limite envoûtant parce qu'il y a une musique aussi qui vient avec ça, une musique un peu onirique qui rappelle le rêve, une musique douce chantée pour une voix de femme. Donc, c'est l'ensemble qui crée un peu l'idée de parfum envoûtant. Et c'est très réussi dans le film, particulièrement aussi dans la scène finale. Donc, je ne vous la raconterai pas. Non. Mais quand vous l'écouterez, portez attention à la scène finale. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'en ai eu des frissons. Ah ouais. C'est très réussi. Ouais. Ben, t'sais, en tout cas, vous comprendrez pour une certaine raison. En fait, c'est pour l'effet donné au film plutôt que ce qui se passe. Vous allez comprendre quand vous allez l'écouter. Intriguant. Oui, sérieusement, le livre, autant que le film, vaut la peine. Donc, le livre écrit par Patrick Soskind et le film réalisé par Tom Tykwer. Donc, sérieusement, dans le temps des fêtes, profitez-en parce que, tu sais, on se demande des fois, oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais m'asseoir devant la télé. Puis finalement, bon, on s'ennuie, tu sais. Lisez le livre ou regardez le film en premier. Les deux valent la peine. Ou faites un des deux ou les deux à la fois. Peu importe. Les deux en même temps, bon, oui. Pourquoi pas. Donc, je vous le conseille fortement. Moi, j'ai adoré les deux. Le parfum histoire d'un meurtrier. Oui. Voilà. J'ai oublié de te demander la question. Même que je te demande ça, puis j'ai aucune idée si tu connais la réponse. Je sais que le film est allemand. Oui. Non. Le livre a été écrit... la langue d'origine, c'est l'allemand, parce que l'auteur est allemand. Okay. Mais le film, je crois, a été réalisé par des... Pas des Américains. Je crois que oui, mais ça a été réalisé en Europe, donc c'est des acteurs anglais, si je me trompe pas. OK, parfait. D'accord. Ouais. D'accord. Je me suis pas beaucoup renseignée. Bon, c'est vrai, parce que j'étais sur la page de Wikipédia, ça disait film allemand, fait j'étais pas sûr si l'aspect traduction du livre et l'aspect traduction mais du en film fait, allait... Oui, il est pas traduit en français, donc c'est en anglais. Okay. C'est en anglais et il y a des sous-titres dans plusieurs langues. Merveilleux. Sans problème, tout le monde peut le regarder. D'accord. Fantastique. Oui, les gens qui sont capables de se forcer un peu le cerveau, un petit peu. Tout le monde est capable. Allez. Ah, ouais, il y en a qui se disent pas capable, hein. Oh, le style, moi, pas les seins. Hein? Ça va? Ça va, excuse-moi. C'est difficile d'imiter un moron. Bon. Donc, merci, Marie-Pierre Laforge-Bourret. Ça fait plaisir. Pourtant. On te retrouve en janvier. On se retrouve jeudi. Hey, c'est vrai, jeudi. Au palmarès, ben c'est oui, fou. C'est vrai. Ben, pour ta chronique, ça va être donc en janvier de retour. Parfait. Chronique littéraire. Sinon, oui, t'animes avec moi les palmarès, c'est fou. Édition C'était fou en 2011, ce jeudi, entre 14h et 18h. Donc, un spécial de 4h. Sur les meilleures pièces de l'année au complet. On a très, très hâte d'animer ça ensemble. Hein? Ouais, moi, je suis curieuse des numéros 1. Moi aussi, j'ai hâte. Donc, on se retrouve jeudi. Pour l'instant, on termine l'émission ici, François-Olivier. Oui, Mathieu Plante. Oui, on va se retrouver demain avec une autre émission. Qu'est-ce qu'on a à l'émission de demain? Demain, grosse journée. On reçoit Yann Martel avec sa chronique financière. On a aussi Jasmine Raymond-Drainville avec sa chronique linguistique. Et on a Myriam Fugère avec sa chronique aléatoire. Voilà, donc c'est le plan de l'émission de demain à Assemblage requis. Pour l'instant, on se quitte avec une pièce de l'album Summer of Lust de Library Voices. Restez sur nos ondes, hein, parce que la programmation de C'est fou n'arrête jamais, en fait. Très, très, très rarement, ou pas du tout, en fait. On essaye que non. Quand ça arrive, on la part deux minutes après. Restez sur nos ondes parce qu'il y a la sécheuse. Dans quelques minutes après ça, c'est le dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, si vous avez raté le voyage insolite et album classique, ça passe entre 13h et 15h. Et pour la première fois depuis le début de la session, je me suis pas enfargé dans la phrase. Non, c'est vrai. C'est quand même pas pire. Si vous les avez ratés. Trois fois, aucune mérites une médaille, Mathieu. Merci. Ensuite, à 15h, ce sera La Sécheuse, puis plus tard en soirée, à 19h, ce sera Réanimation avec du métal et de l'horreur. Voilà, donc on se quitte avec la pièce. Ah, j'ai envie de varier la pièce. Vas-y. Et étant donné que ton... ça me faisait penser un petit peu, ton histoire de parfum, ça me faisait penser à la pièce Be My Juliet Greco, Paris 1949. C'est joli, hein? C'est une histoire d'amour à Paris en 1949. Ça n'a rien à voir avec ton film, mais c'est bon pareil. Tu peux y voir un lien. Ah, moi, je vois des liens partout. Bonne journée. Bye bye. Before I blacked out like a silhouette, the details are blurry, but I remember it. I Paris 1949, it was love in a better time. Before Photoshop hits and collagen smile, when longing meant more than a drunk guy. That's why I'm always coming back. Love in a bed.